الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولاً avant de débuter, j'aimerais faire un petit rappel à l'ordre après un signalement que j'ai reçu. J'avais bien stipulé dans les conditions pour les gens qui participent à ces douros en direct que je n'agréais pas et que je n'accepte pas, je n'admette pas que des frères entrent en contact avec des sœurs en privé. Ça, c'est une chose. Celui qui vient au DER, c'est bien pour écouter. Celui qui veut se marier, il trouve une autre façon de faire. Il ne sert pas de mes plateformes pour trouver des sœurs. D'où le fait que j'ai également conseillé aux sœurs de mettre des pseudonymes. D'ailleurs, aux frères ou aux sœurs, comme ça, parce que si jamais on voit que des noms d'hommes, des pseudonymes, on va savoir que c'est des femmes. Donc la meilleure chose pour rester neutre, c'est que tout le monde mette un pseudonyme autant que possible. Je ne l'ai pas imposé, mais c'est mieux pour que les sœurs ne soient pas importunées. Et je rappelle aux frères de craindre Allah Azawajal et que ces assemblées ne sont pas là pour ça. D'accord ? On n'empêche pas les gens de faire des causes pour se marier, bien évidemment. Mais Bilati Arsène, et surtout que chacun d'entre vous est probablement un futur wali. Demain, tu peux avoir une fille. Aurais-tu apprécié qu'un homme aborde ta fille de la sorte? Je ne pense pas. Donc, comme tu n'aimerais pas qu'on fasse ta fille, ne fais pas celle des autres. Et même si cette sœur, son wali, n'est pas un musulman ou quoi, ça revient à une éthique. Cette façon de s'y prendre n'est pas correcte. Et si jamais tu commences mal, eh ben ça peut finir mal, également dans ta relation. Donc je le rappelle une fois de plus, je demande aux frères de craindre Allah Azawajal et de ne pas aborder les sœurs en privé. Maintenant, si je reçois encore un signalement d'une personne avec qui cela est arrivé, je le bannis automatiquement de la chaîne. Automatiquement. Et ceux qui s'accordent entre eux en privé, ça ne me regarde pas. Mais si une sœur vient et me fait part de cela, ou un frère également, me fait part que quelqu'un l'a importuné ou quoi, ou quoi, ou quoi, ça sera le même, ce sera le même jugement. Donc, Meb Tambih est un rappel pour nous. Barakallahu fikum. Tayyib, al-an, ça nous wasil. Awalan, on va faire une petite muzakara du Ders Sabiq, qui était le hadith de qui? Ibn Abbas, radiallahu anhu, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné le tawakkul, il lui a enseigné l'iman bil qadar, il lui a enseigné que la cause de réussite, c'est de respecter la religion. Pour que Allah te protège, protège ta religion. Et c'est une chose qui est très facile à comprendre. Pour preuve, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam enseignait à un enfant. D'accord ? Il enseignait à un enfant. Donc si un enfant a pu le comprendre, à plus forte raison, des adultes devraient le comprendre. Malheureusement, aujourd'hui, on est tellement devenu ignorant et loin de la religion qu'on a du mal à comprendre des choses aussi simples. Allah yuwaffiquna jami'an. Donc nous sommes toujours dans les ishliniyat, dans Bab al-Tawhid wa al-Aqidah. Bab al-Tawhid et l'Aqidah. Donc on avait pris en premier le verset « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Après on a pris le hadith de Mu'az, on a pris le haq d'Allah sur ses ibad, ou le haq d'ibad sur Allah Azza wa Jal. La dernière fois on a pris le hadith d'Ibn Abbas, qui concerne le tawakkul. Et là on va en prendre deux autres, Inch'Allah Ta'ala. Donc là ce sera le troisième hadith. قال التحذير من الغلو في الدين. Donc là c'est la mise en garde contre l'exagération en religion. Et l'exagération, cela peut être dans l'éloge comme dans la critique. Et c'est de donner à une personne ce qui ne lui revient pas, ou la critiquer parce qu'elle ne le mérite, ou alors même en arriver à rendre obligatoire ce qui ne l'est pas. Et ainsi de suite. Aller au-delà des limites de la religion. Yaqul an Ibn Abbas radiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, iyyakum wal ghulu fa innama halaka man kana qablakum al ghulu fi ad-din. Rawahu Ahmed. Donc toujours Ibn Abbas, encore. Quand on a dit qu'Ibn Abbas parmi ceux qui ont porté beaucoup de hadith, quand il a commencé très jeune, il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit prenez garde à l'exagération. Car ceux d'avant vous ont péri à cause de l'exagération. À cause de l'exagération. Donc là, l'auteur explique Marna El Roulou. El Roulou Mujawazat El Had Bien Yuzad El Shay Fi Hamdihi Aw Zambihi Ala Mayastahiq. Ou Amun Fi Jamia Anwa El Roulou Fi L'Artikad Ou El Armel. Donc c'est comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est le fait d'outrepasser les limites en rajoutant des choses dans les éloges ou dans la critique de ce qui est légitime. Une personne, tu la vantes plus qu'elle ne le mérite, tu exagères en elle. Ou une personne, tu la critiques plus qu'elle le mérite, tu exagères en elle. Et ainsi de suite. Et il dit que cela est général, le roulou, dans les croyances, également dans les œuvres. Mathalen, un exemple de roulou, exagération en surplus, celle des Nasara avec Isa ibn Maryam, au point de dire qu'il est fils d'Allah. Et ils en sont arrivés à dire qu'il est Allah. Ils ont exagéré dans Isa ibn Maryam. Et un exemple de... Bon, allez, comme ça. De roulou dans le contraire, dans le dénigrement, c'est le dénigrement, bon, allez, comme ça. De Yahoud, toujours par rapport à Isa, en disant que Isa, c'était un bâtard, qu'il est né d'une relation illégitime, que Maryam, d'accord, n'était pas mariée et qu'elle a forniqué. Donc, ils l'ont rabaissé. Vous voyez, donc le roulou, ça peut être dans l'éloge ou dans la critique. C'est pour ça que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit... La tatrouni comme atraat al-Nasara ibn Maryam, innama na Abdullah wa Rasuluhu. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, n'exagérez pas dans ma personne, et sachez que je ne suis que le messager d'Allah et son serviteur. Pour ne pas qu'on l'élève ou même qu'on ne le rabaisse. On le laisse au niveau qu'Allah Zawajal lui a donné. Et sabab halak man kana qablana, ka ahl al-kitab, min al-yahoud al-Nasara, ou al-ghulu fi al-din. Donc la cause qui était, ce qui a causé la perte de ceux d'avant nous, les gens du livre, Nasara et Yahoud, justement, c'est ce roulou. D'accord ? C'est ce roulou. Que les Yahoud, Mathalène, vous savez, ils ont tué des Anbiya. Ils tuent des Anbiya. Donc ça veut dire tuer un Nabi, ça amène à quoi ? À le dénigrer, à le rabaisser. Car si vraiment tu reconnais son rang, tu ne peux pas toucher un Nabi, même pas un cheveu. C'est un envoyé d'Allah, toi tu viens, tu veux le tuer. Et il a dit le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, Sharad Nas, man qatala Nabiyan. Ou man qatala Nabiyan. Nabiyun, on va dire comme ça, non. Il a dit les pires des gens, c'est des gens qui ont été tués par un prophète. Et également ceux qui ont tué un prophète. Si un prophète a tué quelqu'un, c'est qu'il est parmi les pires des gens. Et ceux qui ont tué les prophètes sont parmi les pires des gens également. Yaqul fil sharh al-jimali. Donc maintenant, il donne l'explication générale de ce hadith. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من طريق الهلاك التي وقع فيها من سبق من الأمم فقد غلوا في الصالحين حتى أنزلوه منزلة الربوبية قال الله تعالى اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم a mis en garde sa communauté de suivre la voie de la perte, celle dans laquelle sont tombés ceux d'avant nous, parmi les communautés, car ils ont exagéré dans les gens pieux, en le mettant à un rang que Allah ne leur a pas accordé, qui était le rang de Ar-Rububiyya. C'est-à-dire que, comme dans le verset qui va venir, dans le sens où Allah dit, à propos des Yahoud et Nasara, qu'ils ont pris leurs prêtres et leurs rabbins comme seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que le Messie, Isa ibn Maryam, alors qu'il leur a été ordonné que d'adorer une seule divinité, qui est Allah Azawajal, la ilaha illahu, subhana amma yushirkun, qu'il soit purifié de ce qui lui associe. De quelle manière les Yahoud et les Nasara ont pris leur chef religieux en adoré? Là, dans le Coran, Allah dit que les Yahoud ont pris leur rabbin comme seigneur, et que les Nasara ont pris leur prêtre comme seigneur. Ils sont prosternés devant eux ? Non, par rapport au texte. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Naam. Facile. Détail. C'est-à-dire ? Oui, non, je vois ce que tu veux me dire, mais je veux que tu dises Aoudah, quelque chose de plus explicite. Bah, c'est les lois divines, on ne peut pas les modifier. Naam. C'est-à-dire qu'ils ont rendu halal ce que Allah a rendu haram, et qu'ils ont rendu haram ce que Allah a rendu halal. Ça veut dire qu'ils avaient leur livre avec leur loi, dans lequel il y avait des textes qui étaient explicites à leur époque, c'était leur livre, c'est la révélation de la parole d'Allah Azzawajal, dans lequel il est écrit que cela était haram, cela était haram. Et leurs chefs religieux sont venus pour faire le contraire. Non, c'est halal. Et ils ont suivi dans le jugement. Pas dans la désobéissance, dans le jugement. Car tu peux demain savoir qu'une chose elle est haram, tu la fais quand même. On va pas dire que tu as pris... mais tu sais que c'est haram. Donc toi tu dis, ce que je fais c'est une marsia, je le sais, j'ai pas le droit de le faire, je le fais quand même. Sauf que eux, ce qui était haram, ils ont dit c'est halal. Avec pour croyance que c'était halal. Vous voyez, c'est pas une simple désobéissance. C'est un changement de la loi. Donc en faisant cela, ils ont pris comme seigneur. Donc ça revient à dire que toute personne qui va suivre une personne dans un jugement opposé à celui de la révélation, en y croyant, il aura fait du shirk dans Ar-Rububiyya, en rendant à quelqu'un ce qui revient à Allah, qui est le fait de juger et de légiférer. D'où le fait qu'on avait parlé la dernière fois, quand j'étais venu la dernière fois, au moment justement où il y avait ces élections législatives, que c'est ça que les gens ils vont faire. En allant voter, comme ils ont voulu le faire à l'époque, pour un législatif, c'est-à-dire pour donner à des gens le pouvoir de faire des lois. Et ces élections-là sont pires que les présidentielles. Car le président, il ne change pas vraiment les lois. Il est là pour diriger. Mais eux, là, ils vont mettre des gens en place pour faire des lois. Et ça, c'est la pire forme de vote qui est dans la démocratie pour les musulmans. Donc, il n'est pas permis de donner à autre que Allah ce qui revient à Allah. Et le fait de légiférer et de rendre halal et de rendre haram, c'est le droit exclusif d'Allah Azzawajal. Donc, on ne peut pas obéir à quelqu'un en s'opposant à cela. Sans quoi, on ressemblera au Yahoud Nassara en ayant pris ces gens-là, nos chefs religieux, par exemple, des gens aujourd'hui, avec les savants, ils font comme ça. Un savant va faire une fatwa sur quelque chose, il va faire une ijtihad, il va se tromper, et les gens vont prendre sa parole, sa fatwa, comme un jugement religieux. D'accord ? Et ça, c'est une erreur. Et c'est pour ça que, là, dans le verset, Allah Azzawajal nous a mis en garde de ne pas agir comme les gens du livre, de faire pareil aujourd'hui avec nos savants, ou avec nos gouverneurs. Ce qui est haram, c'est haram. Dans le Coran, la sunna, c'est haram, même si le gouverneur te dit que tu peux le faire. Ou que tel chien tu peux le faire, non. Non. Le haram, haram, le halal, halal. Ni ton père, ni ta mère, ni l'époux pour la femme, ni toute personne qui a autorité, tu ne vas pas leur obéir parce que l'Azawajal l'a interdit. Ou rendre interdit une chose qu'Allah a rendue permise, sauf dans les masalih. C'est-à-dire que tu ne changes pas le jugement, mais par exemple, tu y vois un intérêt général. Par exemple, ils ne vont pas dire c'est haram de faire ça, mais ne le fais pas, sinon il y aura des conséquences négatives. Par exemple, sur le pays. D'accord ? On va te dire, c'est pas haram, mais on dit qu'on ne doit pas faire ça. Par exemple, cette année, vous allez voir au Maroc, par exemple, ils ont interdit d'égorger. Mais il y a une raison. Ils n'ont pas dit, c'est haram d'égorger. Ils vont reconnaître que c'est un jugement de la législation, quoi. Ils vont dire, si vous le faites, il y aura une défaillance au niveau de l'économie du pays, car il n'y a pas assez de bétail à cause de la sécheresse. Donc, pour un intérêt, cette année, on ne permettra pas aux gens d'égorger. Mais on ne dit pas que c'est haram d'égorger. D'accord ? Et pour ceux qui sont perturbés par rapport à cette mas'alala, de base, le sacrifice du Eid, il n'est pas obligatoire. Parce qu'il y a des gens qui demandent, ouais, comment on fait ? Est-ce qu'on fait en cachette ? Je dis, t'as pas à faire en cachette. D'accord ? Car à la base, égorger n'est pas obligatoire. C'est une grande ibadah et elle est fortement recommandée pour qui a les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens, il n'a pas égorgé. C'est permis ce qu'ils font là, au Maroc, là ? S'il y a un intérêt, oui. S'il y a un intérêt général pour le pays, ouais, c'est... Moi, je suis marocain, j'ai entendu ça, j'ai... Non, non, si ce qu'ils disent c'est vrai, que ça va nuire à l'économie du pays, si tout le monde égorge à cause de la sécheresse ou quoi, il faut obéir à ce moment-là. D'accord ? Et à la base, ils ne t'ont pas empêché, ils ne t'ont pas rendu halal haram. Ils t'ont juste dit, il y a un mal derrière, plus grand que ce que toi tu peux concevoir, tu vois ? Ne le faites pas cette année, ou jusqu'à nouvel ordre. Vous voyez ? Donc lorsque les gens sont perturbés par rapport à ça, on leur dit, c'est la règle générale dans la religion, c'est que daf al mafasid muqaddam ala jalb al masalih. Que repousser un mal prédomine sur le fait d'apporter un bien. Donc repousser le mal qui pourrait en découler sur le pays prédomine sur le fait d'apporter un bien d'égorgé. Quand tu vas égorger demain, c'est pour toi. Le hajj, il est pour toi, après pour de la viande. Mais eux, c'est pour l'intérêt du pays général qui disent de ne pas le faire. Parce que ça va nous nuire à nous, à toi, à tel, peut-être même à d'autres pays dans le commerce. Tu vois. Donc c'est ce mal est plus grand que le bien que toi tu vas gagner en égorgeant. Donc tu fais quoi à ce moment-là ? Tu codes d'homme, d'accord ? Le fait de repousser un mal. Voilà. Mais bien sûr, ils n'ont pas dit c'est haram. Ils ont dit nous, la loi, cette année, ne le faites pas. Voilà, tu vois ? Cette année, pour des raisons, telle et telle raison, ne le faites pas. Donc là, on envoie, il voit Kazalek Yakoul, Wassaïd man wa'iza bi ghayrihi. Walizalika nahana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an natashabbuh bihim. فقال لا تترؤ لا. On a dit le hadith, لا تترؤني كما ترأت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده. فقولوا عبد الله ورسوله روى البخاري عن عمر. Donc il a dit l'auteur, le bienheureux, c'est celui qui a pris leçon à travers ce qui arrivait à autrui. D'accord ? Quand des choses arrivent à autrui, t'analyses, t'en tires leçon pour ne pas te faire avoir de la même façon. Ou le bien qu'ils font, tu les prends en exemple pour le faire. Donc dans le Coran, Allah Azzawajal nous parle tout le temps des gens du livre pour ces deux raisons-là. Pour nous montrer le bien qu'ils ont fait, donc les prendre en exemple, et le mal qu'ils ont fait pour ne pas le commettre également nous aussi. Et tomber dans ceux qui sont tombés par la suite. Et les gens du livre qui ont été vantés dans le Coran, ce sont des gens qui étaient des vrais croyants à leur époque, qui croyaient en leur prophète, et qui suivaient le livre qu'Allah leur a révélé. Eux, c'est des vrais croyants. Et ceux dont il a mis en garde, ce sont ceux qui ont désobéi à leur prophète et qui n'ont pas respecté le livre qui leur a été révélé. Alors, quoi qu'il en soit, les gens du livre d'avant, qui étaient des vrais croyants, d'accord, ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Et si ces gens-là d'avant étaient là aujourd'hui, ils seraient avec nous. S'il y avait des vrais lanceurs d'aujourd'hui, ils n'iraient pas à l'église. Ils ne feraient pas le signe de croix. Ils ne diraient pas « Issa, c'est le fils d'Allah ». Ils seraient avec les musulmans. Vous comprenez ? Donc nous et ces gens-là, on est un. Et les gens d'aujourd'hui, les Yahouds d'aujourd'hui, ne sont pas les suiveurs de Moussa, alayhi salam, sûrement pas. Et les Nassara d'aujourd'hui ne sont pas les suiveurs de Issa, sûrement pas. Ils ont changé leur voie, ils ont changé leur croyance, ils ont changé leur religion. Parce que des gens se servent de ce genre de texte pour dire, regarde, les chrétiens sont nos frères, les Yahouds sont nos frères, ils ne sont pas nos frères. Comme Akala Ta'ala, innamal mu'minun ikhwa. Les frères sont les croyants seulement, ces gens-là ne sont pas les croyants. D'accord ? La foi, c'est quoi ? C'est croire en Allah, tel qu'il se doit. Ces gens-là ne croient pas en Allah tel qu'il se doit. De croire en ses livres. Ces gens-là ne croient pas en ses livres. Les Nassara ne croient pas au Coran. Et les Yahouds ne croient pas en l'Injil ni au Coran. Donc ils ne croient pas en ses livres. Et ainsi de suite. Donc ils n'ont pas la foi, légiférés. Donc celui qui n'a pas la foi n'est pas ton frère. D'accord ? Mais eux, à leur époque, croyaient en leurs livres. Et croyaient en l'envelu de Mohammed. Et croyaient en tout ce qui allait arriver quand ils ont été avertis par le prophète. Mais ça n'aurait pas arrivé. D'accord ? Et si jamais c'était arrivé, ils auraient suivi le prophète Mohammed, tout comme Isa, quand il va redescendre, il va juger avec la charia de l'islam. Il va faire la salat des muslimines. Il ne va pas venir avec sa législation à lui, de l'Injil. Il va juger avec le Coran. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est toi, ce qui arrive à autrui, tire-en leçon. Tant dans le bien que dans le mal. Celui que tu as vu qui a fait un bien, prends-le en exemple. Et celui à qui tu as vu qu'il lui arrivait un mal, regarde pourquoi il est tombé dans ce mal-là et évite-le. D'accord ? Évite-le. وَالْغُلُو فِي الدِّينِ مِنَ الْبِدَعِ الْمُخَالَفَ لِلْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَجِمَعَ السَّلَفِ الْأُمَّةِ وَمَا حَصَلَ وَيَحْصُلُ فِي هَذِي الْأُمَّةِ مِنَ الْوُكُوعِ فِي الشِّرْكِ وَتَعْظِيمِ الْكُبُورِ وَدُعَاءِ أَهْلِهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِدَعْوَى تَعْظِيمِ الصَّالِحِينَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِهِ الْغُلُو قَالَهُ الشَّيْخُ الْإِسْلَامِ. Donc le roulou, au minimum le roulou, ce sera une bid'a. Parce que celui qui fait du roulou, quand il le fait, il a un objectif religieux. Donc il a un côté de dévotion religieuse. Il va adorer Allah Azawajal d'une façon qui n'a pas été légiférée. Il va en faire trop. En pensant que c'est ça qu'il faut faire. Donc il va tomber dans la bid'a. D'accord ? Et ça peut aller au stade le plus grave, qui est celui que l'auteur veut venir par là, vise par là, c'est le shirk. Car le shirk a commencé par le roulou. Là, après la mort des gens pieux, les gens commençaient à exagérer en eux, à faire des images à leur effigie, d'accord, pour se les rappeler. C'était une bonne pensée à l'époque. Et de génération en génération, les gens ont oublié, ils sont mis à adorer ces effigies. Image ou statue. Et le shirk a commencé comme ça, en exagérant dans les gens. Aujourd'hui, quand les gens vont auprès des tombes pour les invoquer, c'est pourquoi ? Ils ont une croyance à ces gens-là qui ne méritent pas, qui peuvent faire telle chose et telle chose. Donc c'est du rouleau, l'exagération. Les Nansara, le rouleau qu'ils ont en Issa, c'est comment ? Au point de dire qu'il est Allah. C'est du rouleau. Donc ils en sont arrivés à quoi ? Au kufr. Donc le rouleau, il commence comme ça, d'accord ? Une petite graine, et il finit par te faire une forêt entière. Une forêt entière de mal. Donc le Nabi Sansal nous a informé, nous a mis en garde contre le rouleau. Le rouleau, ça, le shirk a commencé par le rouleau. Et les images figurées. Taïeb. Donc il dit, c'est ça qui a fait que la communauté est tombée dans le shirk et dans l'exaltation des tombes et l'invocation des tombes et des gens de ces tombes en dehors d'Allah Azzawajal, car ils ont exagéré dans ces personnes-là. le Wali, un tel, Sidi Foulen, ainsi de suite. On leur donnait des particularités, des attributs qui ne reviennent que Allah subhanahu wa ta'ala. Fawaid al-Hadith. Donc maintenant, les enseignements du Hadith. Tahrim al-Ghulu fi d-din wa annahu sabab lil-halak. L'interdiction d'exagérer en religion et que cela est une cause de perte. Thaniyan al-Ghulu fi d-din min sunan al-Yahud al-Nasara wa la yajuz at-tashabbuh bihim. Et que le Ghulu en religion, c'est parmi les, justement, le Sunna, tradition des Yahoud et des Nasara. Il n'est pas permis de les suivre dans cela et de leur ressembler. Thalithan, an al-ghulu fi salihin sabab huduth al-shirk fi bani Adam. L'exagération dans les gens pieux est une cause qui provoque le shirk chez les fils de Adam. Et sachez une chose, n'est pas toute personne qui a été prise en adoration en dehors d'Allah qui l'agrée. Il y a des gens qui étaient vraiment pieux. Et les gens sont venus les adorer après leur mort. Ou même, par exemple, Isa alayhi salam, il n'est pas mort, mais bon. Est-ce que Isa va admettre ce que les gens font avec lui? Comme quand le Ta'ala, ou ce qu'Allah, ou Isa ibn Maryam, أن تكوت للناس تغزوني ومياء إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به حق إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علم الغيوب ما قلت لهم إلا ما مرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. Et il a dit, Allah dans le Coran, lorsque Allah dira à Isa, est-ce toi qui as dit aux gens, c'est-à-dire adore-moi, adorez-moi c'est que ma mère, c'est-à-dire moi Isa c'est que ma mère. Il a dit, gloire à toi. Comment pourrais-je dire une chose qui ne me revient pas de droit? Et si jamais je l'avais dit, tu l'aurais su. Car tu sais ce qu'il y a en moi, d'accord? Et je ne sais pas. Te concernant. Il a dit, je ne l'aurais dit seulement d'adorer Allah. D'adorer Allah, mon Seigneur, votre Seigneur. Donc Isa alayhi salam n'a appelé les gens qu'à adorer Allah seul. Il ne les a jamais appelés à l'adorer lui ou sa mère. Ça, c'est une chose qui est arrivée après sa mort, où les gens ont changé sa parole. Et Yawm al-Qiyama, il va désavouer ces gens-là. D'accord ? Il va désavouer ces gens-là. Rabian, hirsuhu sallallahu alayhi wa sallam ala najat ummatihi min shirk wa wasalihi wa abti'adihim anuhu. Ce qui montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a porté un grand soin à la sauvegarde de sa communauté, de la sauvegarde du shirk et des moyens qui mènent au shirk et tout ce qui éloigne du shirk. Khamisan al-hath ala al-i'tidal fi al-ibadati wa ghayriha bayna tarafay al-ifrat wa al-tafrit. Également qu'il faut rester équitable et juste dans le juste milieu, même dans l'adoration. D'accord ? Ne pas en faire trop, tout comme ne pas être laxiste, mais le juste milieu. Comme a dit le Ta'ala, وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Nous avons fait de vous, à Fouane, une communauté du juste milieu. Les muslimoun sont le juste milieu. Donc, même en adoration, on n'en fait pas trop. On fait chacun comme on le supporte, mais on fait également. C'est pas on dit, ouais, c'est trop pour moi, je fais rien. Non, tu fais quelque chose. Tu fais à ton niveau. Et plus ta foi montera, plus tu rajoutes, au fur et à mesure. Ça, c'était le deuxième hadith du Ders, qui est en réalité, le premier hadith du Ders, qui est en réalité le troisième du Kitab. Thumma qal rabi'an an Aisha, afwan, awalan al-unwan, l'énoncé ou le titre de ce bab, tahrim bina al-masajid al-kubur, l'interdiction de construire des mosquées sur les tombes. Il y a deux choses par rapport à ce mas'ala-là. Il y a construire une tombe, à la fois un masjid sur une tombe déjà présente. D'accord ? Un masjid qui était bâti sur une tombe. La tombe était là avant le masjid. Ce masjid-là doit être détruit. Et l'autre mas'ala, c'est rentrer une tombe dans un masjid qui a déjà été construit. À ce moment-là, la tombe, on la sort. C'est le premier qui est prioritaire. Car à la base, on doit respecter les tombes. Car ce sont les demeures des morts. Au point que si demain, il y a une tombe quelque part, et on fait un masjid dessus, même le masjid il est immense, on casse le masjid. Il y en a une, là, où il y a le métro, là, la base à métro. Il y a une mosquée là-bas. C'est pareil. Et Kazalik, un masjid qui était bâti sur une tombe, la salette, elle y est bâtie là. T'as pas besoin de faire salat. D'accord ? Et celle dont la tombe était rentrée dans le masjid, ça dépend où se trouve la tombe. Si elle est en direction de la Qibla, la salat, elle est baratée là. D'accord ? Sans quoi, c'est un péché. Ou quoi qu'il en soit, même s'il n'est pas dans la Qibla, la tombe, faut la sortir. C'est pas permis. Et concernant les gens qui prennent en hujja que la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam est le masjid Nabawi, en fait, le masjid, non. Il était construit déjà avant la tombe, et la tombe, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était enterré dans la Rulfa de Aïcha. Car les NBA sont enterrés là où il meurt. Donc il était enterré hors du masjid. Ensuite, le masjid a été élargi, et la partie où il y a la tombe n'est pas considérée comme étant du masjid et ni dans la Qibla. Malgré tout, c'est une erreur. D'accord ? Malgré tout, c'est une erreur. Les ulama de l'époque n'étaient pas d'accord avec ce fait. Ce sont les gouverneurs de l'époque qui ont décidé de faire cela. D'accord ? Et les gens qui étaient encore vivants à l'époque, parmi les savants de la Sunna, ils ont blâmé cela. Et regardez la porte que c'est ouverte parce que maintenant des gens prennent cela comme argument. Ils font un dogme vert, ils mettent la tombe de leur chair dans le masjid, et c'est quoi leur argument ? Ça. D'accord ? Et on dit que ça, c'est pas un argument, c'est pas le Nabi Sallam qui l'a fait, et ni les Sahaba qu'on peut le faire. C'est une erreur. D'ailleurs, ça ressemble à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils ont rendu halal à haram. En prenant quoi ? Des actes des gens qu'ils ont précédés, qui ont fauté, ou des gouverneurs qui ont fauté. Razama yajouz. Yaqul an Aisha radiyallahu anha anna Habiba wa Salama ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تساوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك السورة فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة متفق عليه. Selon Aïcha, elle dit que Habiba et Salama, toutes les deux étaient des épouses du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avaient évoqué une église qu'elles avaient vue en Habasha lors de la première hijra. Un groupe de sahaba avait fait une hijra en premier à l'époque de Mecca, tellement ils subissaient des sévices de la part de Quraysh et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur autorisait à partir. C'est parti en Habasha. La Habasha n'était pas un pays d'islam à l'époque, mais c'était un pays où il y avait un roi qui était juste, le Négus, le Najashi. C'est pour cela que le Nabi Sallam les a envoyés là-bas. Il y a un homme qui est juste. Ce n'est pas un musulman, mais il est juste. Et là-bas, personne ne va vous léser. Ils sont partis là-bas. Et en effet, cet homme était juste. À tel point que lorsqu'il a entendu l'appel de l'islam, il s'est soumis à Allah Azzawajal. Lui, par exemple, c'était un vrai Nasrani à son époque. Pour preuve, lorsqu'il a entendu le Coran, il y a cru tout de suite. Il a dit ça, c'est là. D'accord ? Il a dit ce que tu dis là, en passant, lorsque Ja'far, qui était parmi ces muhajirines, a récité surat Maryam, il a fait frais choisir surat Maryam pour toucher les Nansara. Il a dit, ce que te dis là, et ce qui était révélé à Moussa, sortent d'un même chandelier. C'est la même révélation. Et de là, Najashi s'est soumis à Allah Azzawajal et est devenu muslim, mais il s'est caché. Son islam, il ne l'a pas fait apparaître. Quoi qu'il en soit, c'était des Nansara, donc, sur cette terre, elles ont vu des églises. D'accord ? Et ils ont cité ce qu'ils ont vu comme image dans cette église. Et vous savez, vous êtes déjà dans une église, je ne sais pas si vous avez déjà vu une église, il y a plein de fresques, plein d'icônes sur des vitraux, avec des lumières, avec des couleurs, tout ça, et des représentations, tu vois. Il y a des anges, soi-disant, il y a Mariam, soi-disant, il y a Issa, soi-disant, il y a plein de gens. Saint un tel, saint un tel, saint un tel, saint un tel. Et ça, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, ils le font. Ils en sont même arrivés à faire une fresque. Comment il s'appelle ce rabbis qui a fait cette fresque? Michel-Ange. Michel-Ange, il a fait une fresque, je crois que c'est dans la chapelle Sixtine, elle s'appelle. Il a fait ce qu'on appelle le doigt de Dieu, soi-disant. Vous n'avez jamais vu une image où tu vois un doigt comme ça qui touche un autre doigt? Hein? Eh bien, d'après lui, c'est le doigt de Dieu qui touche celui de Adam. Vous voyez? Ils en sont arrivés à faire de l'anthropomorphisme, à représenter Allah et lui faire son doigt. Et jusqu'à aujourd'hui, la fresque, elle est présente, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, il y a des gens qui ont copié cette image. Bon, vous êtes génération, peut-être, vous n'avez pas connu. Bon, je pense que c'est un classique. Ça ne te dit rien ? Il y a un film qui a repris une image similaire à celle-ci. Vous avez connu E.T. vous? Voilà. Eh ben, E.T., tu vois le doigt du E.T. qui touche celui du petit garçon. C'était inspiré de ce truc-là, tu vois. Il y a des messages, hein. Tout ce qu'ils font, c'est pas innocent. Même dans les couvertures des films, il n'y a rien, rien qui laisse au hasard. Tout est calculé. Il y a une darwa derrière, quelque chose derrière. Bref, c'était une parenthèse. Donc, pour vous dire que ces gens-là, d'accord, représentaient... attendez. Donc, elles ont cité, elles ont évoqué ces images qu'elles ont vues dans ces églises. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit... Et ça, c'était quand? C'était aux prémices de sa mort. Il était sur le point de mourir. Il a dit cela, lorsqu'un homme pieux parmi eux mourait, il le représentait. Et battait sur sa tombe un masjid. Et quand on dit un masjid, c'est un lieu d'adoration à la base. Ce n'est pas une mosquée comme nous on l'entend aujourd'hui. À la base, masjid, en arabe, c'est un lieu de prosternation. Donc un lieu d'adoration. Donc il disait que ces gens-là, lorsqu'ils mouraient, c'est-à-dire un homme pieux chez les gens du livre, d'accord ? Ses suiveurs, c'est des images à son effigie. Soit des images, soit des statues, ou soit des images. Et sur sa tombe, il faisait un lieu d'adoration. Et aujourd'hui, c'est ça existe encore. D'accord ? Ceux-là sont les pires des gens auprès d'Allah Azzawajal, le jour de la résurrection. Dans une version, il a dit « La'anallah al-Yahoud wal-Nasara ta'adhu kubur anbiya'ihim masajid » Que Allah maudisse les Yahoud et les Nasara, ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu d'adoration. Et ça, c'était avant de mourir. Donc après, des gens vont nous dire que les Yahoud, Nasara sont nos frères. Et avant de mourir, le Nabi Sallallahu alayhi wa sallam nous a maudits, tout dit que ce sont tes frères. Ce sont vraiment, comme on dit, ce sont des antipodes. Ça y est. Donc là, en premier, l'auteur, il parle de, comme dans les autres hadiths, il parle des sahaba qui ont rapporté le hadith. En premier, c'est Aïcha. Radiallahu anha. Aïcha, qui était l'épouse, l'une des épouses du Nabi Sallallahu alayhi wa sallam, et qui plus est, sa préférée. D'accord ? De son vivant. Sa préférée. Et comme son père c'est Siddiq, elle c'est Siddiqa. D'accord ? Abou Bakr c'était Siddiq, son père c'est le père de Aïcha, et elle c'est Siddiqa. Et le Nabi Sallam a vu en rêve avant de se marier avec elle. Elle a vu en rêve. Et il s'est marié avec elle avant la Hijra, c'est-à-dire à Mecca. Elle avait 6 ans. Mais il a fait le douhoul, le rapport, après, elle avait 9 ans. Mas'Allah qui fait parler beaucoup de gens, mais il fait parler les gens pour rien du tout. Aujourd'hui, les gens acceptent le Nabi Sallam que c'est un pédophile, ce qui s'ensuit. Ça, vous l'avez souvent entendu. Si vous ne l'avez pas entendu, vous allez l'entendre. D'accord ? Et en fait, c'est juste une façon de vouloir diffamer le Nabi Sallam. Donc ces gens-là, on leur dit, vous êtes des hypocrites. Déjà d'une part, parce que le Nabi Sallam s'est marié avec elle. En effet, elle était jeune. À cette époque, c'était répandu chez tout le monde. Chez les musulmines, chez les musulmines. Même avant que le Nabi Sallam le fasse, les Arabes le faisaient déjà, se marier avec des filles en bas âge. Les rois, les plus grands rois des Koufars, se marient avec des filles en bas âge. Donc à l'époque, c'était une chose qui était répandue. Et pour preuve, j'ai déjà fait un audio où je parle de ça, où je réfute les gens qui critiquent le Nabi Sallam par rapport à ça. On dit que si jamais, qui était le plus grand ennemi du Nabi Sallam à son époque ? Quraysh. Est-ce que Quraysh, ils ont évoqué tout ça là ? On était un pédophile ? Jamais. Donc si jamais c'était une chose qui était critiquable, ils ont été les premiers à l'utiliser. Est-ce que les Nasara à l'époque ont critiqué pour cela ? Non. Est-ce que les Yahoud l'ont critiqué pour cela ? Personne n'a critiqué pour cela, parce qu'eux-mêmes le faisaient. Car c'était une chose de l'époque qui était coutumière chez les gens, c'était connu. Les hommes se mariaient avec des jeunes filles. D'accord ? Et il y avait de nombreux avantages à cela. Aujourd'hui, comme on a inversé les réalités, aujourd'hui, un homme qui se marie avec un homme, c'est normal. D'accord ? Mais un homme qui se marie avec une jeune fille, c'est choquant. À notre époque, on ne va pas appeler à le faire. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que les mentalités, elles ont changé. Les petites filles, aujourd'hui, c'est vraiment des petites filles, elles ne sont pas matures. Même des jeunes filles ne sont pas matures. Mais à leur époque, ce n'était pas pareil. Une fille de cet âge-là, elle était mature. D'accord ? Et à savoir que lorsque Nabi Sallam s'est marié avec elle, elle était déjà pubère. C'était une femme, Shanran. Elle veut dire, c'est monstrueux. Elle était jeune en âge, mais Shanran, c'était une femme. D'accord ? Aujourd'hui, même, on va dire, dans beaucoup de cas, hein, elle a 15 ans et elle est pubère, ça va être une petite immature, ça va être une petite enfant dans sa tête. Donc aujourd'hui, à notre époque, et en fonction des lieux où on vit, on ne va pas appeler à le faire. C'est pourquoi, comme on disait tout à l'heure, pour une maslaha. Comme on disait tout à l'heure par rapport aux moutons au Maroc. Aujourd'hui, on a une époque, si jamais tu fais cela, tu ne vas pas gérer, tu ne vas pas trouver une petite fille. Et même aux yeux des gens, ça va être choquant. Donc aujourd'hui, un homme qui arrive, il a plus de 40 ans, et il prend une jeune fille de 10 ans ou 15 ans ou quoi, ça ne va pas passer, à part dans son pays, si c'est une coutume dans son pays, pas de problème, on ne va rien dire. Mais fille, tu veux faire ça, par exemple, en France, ne le fais pas. Catastrophe. Déjà, détournement de mineur, tu es en prison. Ça veut dire direct. Donc déjà, tu as des problèmes avec la justice, tu vas salir, parce que les gens, ils sont ignorants la darwa, et ainsi de suite. D'accord ? Et en même temps, je pense que tu vas trouver une jeune femme à cet âge-là, une fille à cet âge-là, à 15 ans en France, non, laisse tomber. Génération TikTok, la Snap, là, laisse tomber. C'est catastrophique. D'accord ? Catastrophique. Donc, on va dire, ici, maslaha ne le fait pas. Mais est-ce qu'on va dire que c'est haram de le faire ? Non. Est-ce qu'on va dire qu'à la base, c'est aïb, c'est honteux de faire ça ? On va dire, de base, non. Mais par rapport à notre époque, c'est préjudiciable, donc ne le fais pas. Mais aujourd'hui, les gens vont te faire, juste pour critiquer le Nabi Salam, c'est un pédophile. D'accord ? On va dire, si c'était un pédophile, le Nabi Salam, il est mort, il avait 9 femmes. Quel âge avait-elle ? Là, on va en citer. Sa première femme, c'était qui ? Khadija. Il s'est marié avec elle, elle était plus âgée que lui. Pédophile ? Sa première femme, elle était plus âgée que lui, c'était une veuve. Tu vois ? Et toutes ces femmes étaient soit veuves, soit des divorcées. La seule bicre qu'elle a eue, c'était Aïcha. Donc c'est un pédophile, il en aurait combien ? Il en aurait 2, 3, 4, 5, 6. Il aurait que cela. Non, c'était elle. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est permis. Jusqu'aujourd'hui, c'est, ce n'est pas adapté. Mais jusqu'aujourd'hui. Par exemple, lui, il était plus âgé, elle avait pas ou 6 ans à son époque. C'était permis à leur époque. Parce que la petite fille, je sais pas, lui, il avait quel âge à cette époque quand il s'est marié avec elle ? Elle avait 40 ans. À peu près. C'était dans leur coutume. Même avant l'islam, c'était dans leur coutume qu'ils faisaient cela. D'accord ? Omar ? Non, c'est Abou Bakr, elle a voulu se marier avec Fatima. C'était une enfant. Il a dit même qu'elle est trop jeune. Et après, il est marié à Ali. Donc, c'était coutumier chez eux de faire cela. D'accord ? Et parmi les avantages, c'est que Aïcha, quand le Nabi Salam est mort, elle avait 18 ans. Et elle était la femme la plus savante de l'islam. C'est-à-dire, avec son jeune âge, c'est-à-dire quand même l'Abbès, depuis petite, elle était avec lui, elle a tout appris, les hadiths. Et aujourd'hui, on a eu beaucoup de ilm par son biais à elle. Donc, ce mariage jeune, en bas âge, il avait un intérêt derrière également pour la Ummah, pour la Da'wah. D'accord ? Et Aïcha ne s'est jamais plaint de lui. Donc, même on dit qu'elle avait 6 ans, et qu'elle dit, est-ce qu'elle s'est plaint ? Est-ce que son père s'est plaint ? Son père, il a accepté. Tu vois ? C'est Abou Bakr. Tu vois ? Est-ce qu'elle s'est plaint ? Elle a dit que c'était elle avait le meilleur des hommes. Elle était plus heureuse que aujourd'hui, toutes les femmes avec leur mari, il n'y a pas plus heureuse qu'elle. Elle s'est mariée à 6 ans, et elle a eu deux rôles à 9 ans. Aujourd'hui, les gens viennent cracher leur poison, mais elle était plus heureuse que vous toutes réunies, toutes les femmes sur Terre aujourd'hui, elle était plus heureuse que vous toutes. Avec vos hommes à votre âge, ou des hommes plus âgés, ou je ne sais quoi. Donc. Tu leur dis que c'était pas. À l'époque, c'était une chose qui était répandue et il n'y avait aucun mal en cela. Tout simplement. Et tu dis qu'il y a plein de rois, des gens que vous avez des statues aujourd'hui, là, dans vos. Ou des gens, des écrivains, ou des gens qui sont des références pour vous, qui l'ont fait, vous ne parlez pas sur eux aujourd'hui. Donc voilà. C'est juste que les gens, le but, c'est quoi ? C'est de diffamer le Nabi, ça, dans ce même. Diffamer l'islam. Mais en réalité, on dit, réfléchis, tu ne verras pas un historien équitable parler de cela, parce qu'ils savent qu'à l'époque, c'était une chose qui était répandue chez les gens. Et dans certains pays, jusqu'à aujourd'hui, ça se fait. Dans les pays d'Afrique, ça se fait. Ça se fait. Tu vois. Et il y en a combien aujourd'hui ? On t'entend des hommes âgés qui sont tirés par les jeunes filles. Il y en a combien ? Plein. Souvent, ils se cachent parce qu'aujourd'hui, c'est devenu honteux. Mais il y en a plein d'hommes aujourd'hui, ils aiment les petites filles. Maintenant, on dit quoi ? Ce mariage-là, il sera blâmable si quoi ? Si elle n'accepte pas de part. Si elle n'est pas prête de part. Et que ce n'est pas dans les mœurs des gens. Ce n'est pas dans l'ordre des gens, ne le fait pas. D'accord ? Et également, ça dépend ce que tu veux. Nabi Salam, il s'est marié avec elle. Aujourd'hui, il veut juste avoir des rapports abusifs avec elle. C'est des fantasmes sexuels. Mais ce n'était pas ça son but. C'était marier et construire quelque chose et la da'wah à l'islam. Donc le muhim, c'est une diffamation qui est hors contexte. D'accord ? Elle est hors contexte. Tayyib. Donc, entre autres, il parle ensuite de Habiba, justement. Habiba, elle était parmi les muhajirat qui sont partis. Et son mari, Abu Habiba, est mort en Habasha. Il y a une version qui dit qu'il a apostasé là-bas, il est devenu Nasrani. Et ça, ça a été réfuté. Alors, l'homme a dit, c'est pas vrai. C'est-à-dire, le hadith qui en parle, il est pas authentique. Pourtant, c'est répondre, même l'auteur le dit. Il dit qu'il a apostasié, et là-bas, il est devenu Nasrani. D'accord ? Et ça, non. D'autres, en l'amour, on dit que ce qui en, les assars qui en parlent ne sont pas authentiques. Donc, on reste sur la base qu'il est mort là-bas, mais rien dit qu'il a apostasié, qu'il est devenu Nasrani. Et après, elle a été mariée au Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le Najashi lui-même, le roi là-bas, qui l'a marié au Nabi sallallahu alayhi wa sallam à distance. Il a payé le mahr, sa dot. D'ailleurs, c'est la femme qui est le plus grand mahr parmi les épouses du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui est le plus grand mahr. Les autres, elles n'avaient pas eu beaucoup. Elle est le plus grand mahr. Et également, il y a eu Salama. Dans le hadith, également, Salama était une femme qui était veuve. Et elle aimait beaucoup son mari, Abu Salama. Quand il est mort, elle a dit, mais quel musulman c'est aussi bien que lui. Et de là, elle a eu qui? Elle a eu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme époux. Donc regardez, il s'est marié avec Khadija, elle était veuve, sa première épouse. Habiba, elle était veuve. Salama, elle était veuve. La femme qu'il a eue après Aïcha, c'était Saouda. Elle était âgée. Elle était âgée. Vous voyez, donc on dit, comment vous dites pédophile? Mais tous ses enfants, les a eu avec Aïcha. Avec Khadija. Elle n'a pas eu d'enfant avec Aïcha. Elle n'a pas eu d'enfant avec Aïcha. Avec Khadija, la première de ses épouses, qui était même, elle était veuve. Ouais. Donc tout ça, c'est que du kalem qui sert à rien du tout. Le but, c'est juste de diffamer l'islam, c'est tout. C'est tout. Trouver quelque chose pour salir l'islam, salir Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qu'ils disent, ça ne tient pas debout. Donc maintenant, pour revenir au hadith, attendez. Donc en arabe, Kanisa, c'est une église. C'est le lieu Ma'bad des Nasara. C'est le lieu où les Nasara ils font leur adoration. C'est une église cathédrale. Comment ils appellent ça également? Il y a plein de noms. Chapelle. Voilà, tout ça. Là. C'est le lieu où les Nasara font leurs adorations. Temple, ainsi de suite, et autres. Et donc ces gens-là, comme vous le savez, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand quelqu'un mourait, ils bâtissaient sur sa tombe. C'était un prophète ou un homme pieux. Sur sa tombe, il bâtissait un lieu d'adoration. Et il faisait des images à son effigie. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Exagération dans la personne et image figurée. Ce qui montre que, c'est une chose qu'on répète souvent, le jugement du taswir, ce qu'on appelle de faire des images, c'est interdit. Et parmi les causes, celle-ci, car ça amène au shirk. Et également, Allah Zawajal a dit que ça s'appelle une création et que Allah Zawajal n'admet pas que quelqu'un tente de chercher à lui ressembler dans la création. Pas les images. D'accord ? Et l'image qui est interdite, c'est l'image où il y a la tête. L'image figurée où il y a la tête. S'il n'y a pas la tête, c'est valable. S'il y a la tête, c'est une chose qui est interdite parmi les grands péchés, qui amène à l'arna d'Allah, Azzawajal. Tayyib. Donc après, il dit, dans le Shah al-Jimali, « Kanat Salama Habibata min al-Muhajirat ila ard al-Habasha qabla an yatazawwaj bihima ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Falama kana fi maradi alladhi tuwuffiya fihi sallallahu alayhi wa sallam zakarata lahu ما رأته من كنيسة في مهاجر في مهاجرهم الأول. Donc lorsque Habiba et Salama étaient parmi les Muhajirat, première hijra, en terre de Habasha, avant qu'elles ne soient des épouses du Nabi sallam, elles ont vu des choses là-bas, qu'elles ont évoquées par la suite. Et ça, c'est au moment de sa mort, de sa maladie où l'on est mort le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. وما فيها من تصاوير ف فيبين صلى الله عليه وسلم ما في علمهم في كنائسهم وفي موتاهم من التحاذير ومن المحاذير فقد جمعوا بين فتنتين فتنة التماثيل وفتنة اتخاذ المساجد على القبور وهي التي أوقعت كثيرا من الأمم. Donc après que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait entendu leur témoignage, ce qu'ils avaient vu, il a mis en garde contre cela en disant que ces gens-là avaient réuni entre deux fitnas, deux troubles. Le premier, c'est celui des images. Deuxième, celui de bâtir des lieux d'adoration sur les tombes des gens qu'ils adulaient. Et chose qui a amené au shirk. Ouais, il a cité une parole de l'imam Shafi'i qui dit وَأَكْرَهُ أَنْ يُعَظَّمْ مَخْلُوقٌ حَتَّى يُجْعَلَ قَبْرُهُ مَسْجِدًا مُخَافَةَ الْفِتْنَةَ alayhi wa ala man ba'dahu min an-nas. Il a dit, Shafi'i, et je déteste, et là, eux, à l'époque, le fait de détester, c'était, quand ils disaient une chose, c'était souvent un sens de haram, qu'une personne soit glorifiée au point que sa tombe en devienne un lieu d'adoration, et cela par peur de la fitna sur cette personne-là, et sur les gens qui viendront après lui. Car tu as des gens, des fois, ils vont faire cela, ils ne veulent pas faire de shirk. Mais l'acte, par rapport aux ceux qui vont venir derrière, eux, ils vont oublier la cause de base, initiale, ils vont exagérer et faire du shirk. Regardez aujourd'hui, toutes les statues qu'on voit dans les rues, surtout ici à Falen, c'est quoi ? C'est pour se commémorer quelqu'un ou quelque chose. Pourquoi les rois, les grands dirigeants, aiment voir leurs images partout ? Pour qu'on se rappelle d'eux. Les portraits, que ce soit en peinture, que ce soit les statues de bronze ou les statues, un tel sur son cheval, un tel avec son épée, c'est quoi ? C'est qu'on se rappelle de lui. C'était un grand homme, c'était un roi, il a fait ça, ça, ça, ça, ça. C'est quoi le but ? Qu'on se rappelle. D'accord ? Donc aujourd'hui, j'en peux dire ce qu'ils veulent, quand ils prennent une photo, c'est quoi ? C'est pour se rappeler, c'est la même raison. Quand ils prennent une photo de quelqu'un, c'est pourquoi ? Pour se rappeler tel moment avec telle personne. C'est pour se rappeler. Et le peuple de Nour, Ali Salam, le chic a commencé comment ? Comme ça. Les gens pieux de leur époque, quand ils sont morts, vous voulez se les rappeler. Shaitan leur a dit, faites des images à leur effigie pour vous rappeler ces gens-là et pour continuer à avoir de l'énergie dans l'adoration. Il leur a donné une belle image de la chose. Mais après, de génération en génération, ça a été oublié et les gens se sont mis à adorer ces images. Donc ça a commencé comme ça. Donc toute image que tu fais, que ce soit un portrait, que ce soit une statue d'une créature ou quoi, c'est pour se la rappeler et pour la glorifier. Donc, l'imam Shafi'i, il a dit qu'il détestait cela, de bâtir un masjid sur une tombe, car cela va amener par la suite un fitna pour la personne et pour les gens qui viendront par la suite. Yaqul fawaid al-hadith. Tahlim bin al-masajid al-kubur wa annahu man fa'ala man wa annahu min fi'l sharar al-khalqillah ta'ala. L'interdiction de construire des masajid sur les tombes. Et que ceux qui font cela sont parmi les pires créatures auprès d'Allah Azza wa Jal. Thaniyan tahdhir min at-taswir wa nasab as-suwar li anna dhalika wasila ila ash-shirk. L'interdiction de faire des images ou de faire des statues, car cela est un moyen qui mène vers le shirk. Et tout cela est valable même pour les figurines, les jouets. D'accord ? Même les jouets. Petit bonhomme là, les petits jouets, ça rentre dans la figurine, dans le tamathil. Car tu as fait une image, tu as fait un objet à l'effigie d'une créature. Que ce soit un petit bonhomme, que ce soit une bonne femme, que ce soit ce que tu veux, un animal qui existe pour de vrai, déjà de base, ça rentre dedans. Et tu veux cela pour ton enfant, t'enlèves la tête. D'accord ? T'enlèves la tête. Une figurine, ça rentre dans le tamthil. Non, pas de shirk. Mais ça rentre dans l'interdiction de faire des images façonnées, figurées. Après, si les gens se mettent à adorer, c'est pire encore. Bien sûr. Mais de base, même s'il n'y a pas de shirk qui se fait, c'est un moyen qui va y mener. Ça amenait les gens d'avant nous à cela. Donc déjà, l'acte du tasawwur lui-même, il est interdit. C'est compliqué pour un enfant quand tu enlèves ça. C'est sûr. Il faut l'expliquer pour lui enlever. C'est sûr. Mais après, c'est ça le rôle du parent. C'est ça le rôle des... C'est la fitna, elle est pour nous, en fait, et pas pour l'enfant. Ouais. Parce que l'on voit c'est bien comme pression, comme critique de la part des gens, tu vois. Il faut l'expliquer à l'enfant. Non, il faut l'expliquer. C'est depuis petit, il faut apprendre aux enfants le tawhid, la faire comprendre. Après, c'est sûr, ils sont dans un milieu qui va l'opposer, l'enfant, il va être éprouvé par cela. Tu vois. Sur cette époque, c'est une chose que très peu de personnes appliquent. Tu vois. Très peu de personnes l'appliquent, ça, aujourd'hui. Mais bon. Thalithan, wujub al-mubadara bi-bayyan hukm al-munkar. Qu'il est obligatoire de se hâter à démontrer le jument d'une chose qui est blâmable. Car le Nabi s'installe tout de suite à blâmer ces images qui ont été vues. Pas le fait de les avoir vues. Le fait qu'elles étaient faites, en fait. Rabi'an al-man' min ibadatillah 'inda kubur as-salihin li'annahu wasila ila ash-shirk wa min fi'l an-nasara. L'interdiction d'adorer, de faire des adorations auprès des tombes. C'est-à-dire, même tu adores Allah sincèrement auprès d'une tombe, ne le fais pas. Pourquoi ? Car ça va être une chose qui a dû en erreur, des gens qui vont te voir. Ils vont croire que tu adores la tombe. Et ainsi de suite. Car cela est une chose qui mène vers le shirk. Et ça, c'est parmi les actes des Nasara. خامساً تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لجانب التوحيد وتحذيره من وسائل الشرك وكمال نصحه لأمته. Est-ce qu'il montre de quelle façon le Nabi صلى الله عليه وسلم a mis en priorité le côté du tawhid et la mise en garde contre les choses qui mènent vers le shirk, les procédés qui mènent au shirk, et la perfection de son conseil pour sa communauté. Naam. Fa'adha allazi akhadhna al-yawm min hadhain hadithain naktafi bi hadha al-qadr fa subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.